Neige, je peux circuler en feu de brouillard avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de brouillard arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D.